si on parlait un peu de littérature? Oui, un petit peu. L'histoire sans histoire de nous remonter le moral. Oui. Ah ben c'est pas avec mon bouquin que je vais vous remonter le moral. Alors. Anatomie d'un crime. Oui, d'Elizabeth George. Déjà, ça annonce un peu la couleur. Oui, déjà un petit peu. Elizabeth George. George. Elizabeth George, vous en ai déjà parlé, je pense, bien. Je crois. Je pense, bien. Mais disons, voilà, si tu n'en as pas parlé, c'est pas grave, donc, tu en parles maintenant. Oui, voilà, je vais en reparler maintenant, donc. Et donc, elle ressemble à Dr. Root. Elle ferait mieux de ne pas être sur son quatrième de couverture. Je ne sais surtout, pas. Surtout le quatrième de couverture. Oui, c'est ça qu'il faut dire, parce que les gens ne voient pas. C'est pas juste une petite photo. Elle a un beau sourire, elle est bien maquillée. Elle est bien coiffée. D'ailleurs, je voudrais passer un message à Presse de la Cité, où est édité le livre, s'il vous plaît. Si vous nous aimez, lecteurs, ne mettez pas les photos des auteurs à l'arrière. Surtout cette photo-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais celle-là ne rend pas justice à son auteur. Et surtout, ne donne pas du tout envie de lire son livre. Alors que ce serait une hérésie de ne pas lire ce livre. Puisque Elizabeth George. Oui, à ce point-là. Parce que Elizabeth George, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais bref, je vais vous en parler maintenant. C'est une auteure de romans policiers. Ça fait, je ne sais pas, une bonne dizaine, même plus à mon avis, une bonne quinzaine d'années maintenant qu'elle écrit par an, qu'elle nous sort par an son petit opus. Celui-ci est le dernier, qui est paru, je pense, au mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Et ce sont des romans qui s'inscrivent dans la bonne tradition anglaise du roman policier. Tendance un peu Charles Dickens presque, enfin pas Charles Dickens, mais en tout cas ça respire l'Angleterre. On attend le petit à 5h, on s'attend à voir le, comment ça s'appelle encore, le tea time. Oh, voilà. It's 4 o'clock, it's donc, tea time. C'est extrêmement anglais. Hello, Margaret. Mais la particularité, c'est que Elizabeth George est totalement américaine. This is my cousin Andrew. Pardon, je suis toujours. tu nous fais les petits commentaires en anglais. Donc elle est totalement américaine. Donc c'est ça qui est aussi assez intéressant. Puisqu'elle est américaine, mais elle ne vient même pas de New York, où on aurait pu comprendre. Non, elle vient carrément de l'Ohio. Donc, ah oui, l'Ohio, c'est... Voilà. C'est pas le coin le plus moderne voilà, et progressiste. Et pourtant, elle écrit des romans qui respirent l'Angleterre comme c'est pas permis. Donc c'est des romans policiers, comme je l'ai déjà dit. Dans les tout derniers, je pense bien quand même que j'avais parlé... de Sans l'ombre d'un témoin, donc qui était le roman avant celui-ci, avec à partir du roman, on va dire Un nid de mensonges, elle se détachait un peu du roman policier classique, c'est-à-dire où il y a une enquête policière avec des enquêteurs de Scotland Yard, puisqu'on est en Angleterre, pour mélanger donc au roman policier une véritable critique sociale, puisque Sans l'ombre d'un témoin racontait le meurtre de jeunes garçons qui étaient placés dans des foyers anglais, donc l'équivalent des IPPJ, je ne sais pas comment ça s'appelle, et qui IPPJ peut-être, je ne sais pas, et donc BPI. Un meurtrier s'amusait à décimer ces jeunes. Et donc, on avait une critique sociale, donc justement... T'es ancré dans le réel, tu veux dire ? Voilà, tout à fait. Ah, de la délinquance anglaise, de comment pouvaient s'en sortir ces jeunes. Ah, le roman policier dans, social. Voilà. Avec les banlieues anglaises qui respirent la joie de vivre. Voilà. Donc, il y avait encore, malgré tout... une vraie trame policière autour de ça, donc c'était une sorte de mélange entre les deux. Et à la fin donc de Sans l'ombre d'un témoin, la femme de l'un des deux inspecteurs, puisqu'ils sont deux et ils sont récurrents, c'est eux qui mènent chaque fois les enquêtes dans tous les romans d'Elizabeth George, donc on a Barbara Havers qui est issue de la classe populaire anglaise, qui est boulotte, même carrément qui est un peu enveloppé genre à la Obélix. Ah qui, ouais. Voilà, qui n'a aucun sens de l'esthétique, donc Mais est-ce qu'elle porte des menhirs ? Non. Ah. Peut-être qu'elle mange des sangliers, ça, je ne sais pas. Donc, qui n'a aucun sens de l'esthétique et qui s'habille toujours un peu à la va comme je te pousse, comme on dit, et qui est un excellent enquêteur, mais qui n'a pas beaucoup de sens de la diplomatie. Donc, ça fait beaucoup d'étincelles avec ses supérieurs. Ah oui. Et le deuxième enquêteur, qui est Thomas Lingley, qui lui est l'exact opposé, puisque lui est comte. Donc, il roule en Bentley. Il est quelqu'un de très posé. Donc, le flegme anglais dans toute son incarnation. Et donc, ils sont chaque fois mis à contribution pour résoudre les crimes. Et évidemment, on se doute bien qu'avec deux personnalités comme ça, ça ne se passe pas toujours aussi facilement que cela devrait. Donc, à la fin de l'épisode précédent, à la fin donc de Sans l'ombre d'un témoin, la femme de Thomas Lingley, qui est également comtesse, qui est enceinte et que l'on suit également aussi depuis tous les tomes d'Elizabeth George, se fait assassiner devant chez elle par deux jeunes. Et voilà, on ne sait pas pourquoi, elle meurt. By Jove. Elle meurt et Thomas Lingley démissionne de Scotland Yard. Ça, c'est la fin du tome précédent. Et donc, ici, tu viens de griller un twist abominable. Non, je ne grille rien. Mais si, du en tout. Même temps. C'est pour les gens qui n'ont pas lu celui du précédent. Oui, c'est pour les gens qui n'ont pas lu le précédent. Mais oui, d'accord. Mais bon, mais voilà. Mais c'est pas obligé qu'ils lisent le précédent pour lire celui-ci. Même si ça peut aider. Bon. Bon, ben voilà. Puisque, voilà, donc celui-ci, Anatomie d'un crime, eh bien, c'est ce qui se passe avant que la femme de Thomas Lingley se fasse assassiner. Donc, on suit Joël, qui a 12 ans. C'est un préquel encore ? C'est une préquel, oui. Mais c'est pas une préquel qui est obligée de se lire en ayant lu l'autre. Enfin, je vais vous expliquer après. D'accord. Oui. Voilà, on a Joël, qui est métis, qui a 12 ans, et qui a un petit frère qui s'appelle Toby, qui a 8 ans, et qui... Il n'est pas... Il est un peu lent. Il est un peu lent, mais il a des petits soucis... mental, mais on saura après pourquoi. Il a des soucis mentaux. Mais il est, voilà. Il est un petit peu retardé, on va dire. Et qui a une sœur qui a 14 ans qui s'appelle Ness. Et ces trois jeunes vivent avec leur grand-mère parce que leur mère est dans un asile psychiatrique. On comprend très vite qu'elle a essayé de tuer le petit, donc Toby. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve un peu en asile psychiatrique. Et ils vivent tous les trois avec leur grand-mère, donc comme je viens de le dire, parce que leur père aussi, lui, a été assassiné dans la rue. Voilà, une balle perdue. Déjà une vie facile. Un règlement de compte, ça, oui, voilà. Il y a des gens qui sont destinés à ça. Tranquille. Et donc ils vivent avec leur grand-mère, mais leur grand-mère, elle, vit avec un monsieur qui est jamaïcain et qui vient de recevoir son ordre d'expulsion. Et qui fume des pétards. Oui, aussi. Ouais. Il vient de se faire expulser et la grand-mère décide d'aller vivre en Jamaïque avec lui. Mais trois gosses, ça ne serait pas franchement facile d'aller s'installer là-bas avec trois gosses qui en plus ne sont pas les siens. Elle décide de les confier à une de ses filles, qui est donc la tante des trois gamins, qui habite dans une cité de Londres, je ne sais plus exactement, Arlington Road, je pense, un truc comme ça. C'est pas franchement le plus important. Et donc, ces gosses qui n'ont déjà pas facile parce qu'ils ont déjà. Leur mère les a déjà un peu rejetés. Enfin, elle en a rejeté un. Elle est carrément démissionnaire puisqu'elle est dans un asile psychiatrique. Ils ont perdu leur père. Ils se font abandonner par leur grand-mère, purement et simplement, puisqu'elle les dépose devant la porte de la tante et elle s'en va, purement et simplement, en leur disant qu'un jour ou l'autre, bah, elle fera venir en Jamaïque, mais ils se doutent bien qu'elle n'a jamais l'intention de venir les rechercher. C'est assez cool quand même les familles en Angleterre. Exactement. Et donc cette tante qui a 35 ans, qui n'a jamais eu l'intention d'avoir des enfants, qui est veuve, elle aussi, qui habite dans une cité anglaise, tout ce qu'il y a de plus glauque, se retrouve avec ses trois jeunes qui ont des petits soucis. Tout ne va pas se passer de manière très facile. Puisque très vite, la grande sœur va brosser les cours pour s'acoquiner avec deux filles de la cité qui passent leur temps à prendre de la drogue et boire de l'alcool. Évidemment, pour se procurer de la drogue, comme elles n'ont pas d'argent, eh bien, on se doute bien ce qu'elles font. Elles dealent des sugus. Non. Ah, c'est encore possible, ça. Elle pourrait. Elle suce des sucettes à l'année. Oui, on va dire ça comme ça, effectivement. Ah ouais. Et De la drogue, du sexe, moi je dis, heureusement qu'on finit par ça, hein, les enfants sont couchés. Et donc, évidemment, le pauvre Joël, qui est un peu celui qui essaye de s'en sortir, qui est honnête et droit dans tout ça, et qui s'occupe de son petit frère qui est retardé, puisque c'est un peu, il devient à 12 ans l'homme de la famille, il va se faire persécuter par un plus grand que lui, en tout cas de la cité. Et donc il va essayer par tous les moyens d'aider son petit frère, puisque son petit frère, lui, ne sait pas se défendre. Oh monsieur, j'y vais, défends-moi. Il va essayer de trouver une solution pour que ce type-là les laisse tranquilles, quoi. Et c'est l'engrenage qui va finir par l'amener à tuer la femme de Thomas Linley. D'accord. Donc tout ce parcours-là la boucle va arriver, voilà. Oui. Donc dans les 10 dernières tout pages, s'explique. On en arrive au fameux meurtre. Et donc, comme j'ai dit, c'est effectivement pas un roman qui va remonter le moral, si vous avez le moral un peu à plat, parce que c'est un roman qui est vraiment extrêmement réaliste. C'est une Américaine, mais on a l'impression qu'elle s'y connaît, qu'elle vit dans une cité. En même temps, les cités aux États-Unis ne sont pas des masses joyeuses non plus. Non, mais là, on sent vraiment la cité anglaise, parce qu'en plus, en plus du côté, c'est déjà pas facile de s'en sortir. En plus, là, il y a carrément j'ai déjà lu d'autres livres qui traitent du même sujet d'un autre auteur. Apparemment, il y a carrément un racisme qui est l'ambiance dans ces cités envers les Noirs. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon, bref. Quand on est déjà au plus parce bas, qu'ils sont noirs. Il faut bien, il faut bien détester quelqu'un d'autre que soi. Ça, et c'est sûr. Voilà, ça tombe là sur les Noirs. Donc, il y a une vraie violence, un vrai racisme ambiant dans ces cités. Et ce roman décrit vraiment comment un système broie les gens et les empêche de s'en sortir malgré leur volonté de s'en sortir. Puisque Joël veut s'en sortir, il est brillant, il sait écrire, il va à l'école, il veut vraiment s'en sortir, mais il est vraiment dans un milieu qui ne lui donne aucune chance. Qui le croit du début à la fin, oui, exactement. Et c'est vraiment un roman qui... Si vous aimez vraiment les romans sociaux qui... Ken Loach. C'est du Ken Loach, oui, exactement. C'est un roman... C'est un roman qui est assez bouleversant parce qu'on s'attache à ces jeunes. On s'attache au petit Toby qui passe son... Juste avant qu'il meure. Non, lui ne meurt pas, mais... Ça va, bon, ne raconte pas tout. Hein. Oui, attention. Voilà. Hein. C'est ce pauvre gamin qui a vu une lampe dans une vitrine et qui veut ça pour Noël et son petit frère se décarcasse pour lui acheter. Et après, pendant tout le livre, il se balade partout avec cette lampe. Partout avec lui, il l'emmène partout. C'est son espèce de doudou. Enfin, on s'attache à ces personnages. Ils sont vraiment extrêmement humains. Il y a une humanité dans tous ces personnages, même les personnages les plus méchants, puisque c'est dans une cité, donc il y a des dealers, il y a des caïds, même ceux-là sont très humains. Donc c'est vraiment un roman qui est très très bien, qui dépeint très très bien une société et qui dépeint comment un système peut broyer des gens du début à la fin, comment elle ne leur laisse aucune chance de sortir de ce système. Et c'est vraiment, moi sur internet j'ai même vu carrément des critiques qui mettaient attention au chef-d'œuvre. Donc, c'est vraiment très très bien fait. C'est un roman qui vous prend au trip parce qu'on a envie qu'il s'en sorte, ce gamin. Et en même temps, on sait bien qu'il ne s'en sortira jamais puisqu'on sait ce qui va lui arriver. Et c'est un roman poignant parce que on espère toujours, malgré tout, même si on sait ce qui arrive, à chaque chapitre, on dit, allez, on voit qu'il peut s'en sortir, on voit qu'il arrive, il a une chance de s'en sortir. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui le retire vers le bas. Donc, c'est un très, très grand roman. C'est pas franchement obligé d'avoir lu les autres romans d'Elisabeth George, parce que, à part le fait qu'à la fin, on retrouve le personnage de la femme de Thomas Linley. Oui, on retrouve pas le fameux duo d'enquêteurs. On suit ce jeune dans son quotidien. C'est pas du tout une intrigue policière. Non, on suit ce jeune dans son quotidien le plus banal, quand il va à l'école, quand il va chercher son frère, quand il essaye de pas se faire tabasser. comment sa tante essaye de s'occuper de ses trois gamins alors que ils lui sont tombés dessus du jour au lendemain. Et donc c'est pas obligé d'avoir lu l'autre pour le comprendre. Mmh. Bon, évidemment, si vous avez lu les autres, ça va donner une dimension encore plus tragique à ce livre, puisque forcément le personnage de la femme de Thomas Linley, comme on la connaît, on a eu le temps de s'y attacher également, et donc ça crée une certaine quelque chose qui se recoupe, mais c'est pas obligé. Donc si vous aimez les romans un peu sociaux qui vous dépeignent un système de manière très réaliste, si vous avez aussi le moral bien accroché, parce que c'est pas un roman qui va vous laisser en plan. C'est pas forcément le cadeau de Noël idéal. Pour les dépressifs, non. Mais sinon, c'est vraiment un très très bon roman. Donc moi, je vous le conseille si vous aimez ce genre de livre. Si vous n'aimez pas du tout ce genre de livre, que vous préférez des choses plus légères, peut-être mieux passer son chemin, parce que ça fait pas de cadeau. Mmh. Mais sinon, c'est un très bon.